OK, parfait. Oui, absolument. Colle-toi sa nappe de vache, là, tu vois, mettre ça. Embarque. Je pense qu'on est prêt. Y a-tu d'autres choses à discuter avant de se lancer? Je penserais pas. Testing. Bon, ben, Andy, je t'invite. Yeah. En nouvelle ce soir, le grand retour de moi! Aussi, viande de poche, ils sont fous, c'est grec, bande de la fausse argent, c'est payant, l'ami des animaux, enfin en prison, la bonne nouvelle, 70%. Ainsi que les noms à donner à vos enfants, ce soir, 70%, c'est maintenant. Nick? Oh, on a essayé. Vous écoutez 70%. Merci. Des ennuis sous les destins d'académie. Sommes-nous des doutants, doutants du temps doux, vacants dans les chanchous. Les chanchous, chanchous. Quand la cloche sonne, un bon douteux donne son 70%. Comme individu reçu au bal des neurones, on est des douteux que les amis affectionnent, tellement fait fort, du bon bon bon fort, chaton, tweetons, mais doutons encore. Oh! Oh! Oh! Ah! Pas question de réponse bidon, pas de nouilles, rien de méchant, pas de bêtises, plus le Jésus est douteux, doute à nu. Le vent douteux à 70%. Quand la cloche sonne, un bon doute donne son 70%. Ah, merci Edgar Bory, est vraiment bonne cette tune-là. C'est la deuxième de son avant-dernier album qui était avant sa trilogie. Salut tout le monde, mon nom c'est Tommy Godette, animateur et, je sais pas, mascotte de 70%. Très content de vous avoir avec nous pour une autre grosse dose de strict minimum. Je l'explique un petit peu à notre bande d'invités, You and I. 70%, en fait, c'est un concept qui traîne autour du... on vise le C+, tu sais, la moyenne générale. Tu sais, quand tu fais un travail puis que tu vises la moyenne générale, c'est que... tu donnes le strict minimum. Et tu vois, moi, j'ai même pas de notes pour animer mon show. Eux autres font du copier-coller à fond. Voilà, parlant d'eux autres, d'ailleurs, on va commencer pour vous présentant les chroniqueurs de la soirée. Jean-Sébastien, ce soir, il vient nous parler de musique et d'autres choses. Non, on a arrêté de faire le tour. C'est un poison de vous laisser parler, vous autres. Sinon, ben, il y a Mathieu Boudreau, un petit peu comme d'habitude. Mathieu, il fait un petit sourire, ça va tranquille. Maxime Soriol, en renfort, chroniqueur recrue ce soir. Salut, Maxime. Très content de nous avoir avec nous. Et Laurent Agla, Laurent qui c'est son vrai nom de famille. Il y en a plusieurs qui le demandent. Est-ce que c'est une maladie ou ton nom de famille? C'est vraiment son nom de famille. Et Laurent, il est ici ce soir aussi en tant que chroniqueur recru à 70%. Il a l'air assez pompé à venir nous fournir son strict minimum. Et je sais qu'il y a Fred Fournier aussi, expert en sport, qui est quelque part dans la place. Ça va parler hockey. Sinon, ben, vous avez vu, il y a Andy en remplacement de Bruno Corbin. Bonsoir. C'est des nouvelles... en fait, ils ont la même source de nouvelles. C'est présenté différemment. Probablement. C'est-à-dire ouais. L'univers. Sinon, ben le band, c'est You and I. Salut, Laurent. Salut, salut, ça va bien? Comment ça que c'est toi qui ont choisi parmi les quatre pour venir sur stage? Je sais pas pourquoi. Veux-tu le dire, Ludo? Peut-être qu'il peut le dire. Peut-être c'est à cause de tes grosses dents. C'est ouais, juste c'est pour ça. Voilà. C'est à cause de ses ouais, grosses dents. Ça. J'aime ça. J'avoue ouais. qu'il a l'air assez taquin. Hein. On te dit-tu que t'es taquin? Ça arrive. Ça peut arriver. Ça peut arriver de temps en temps. Ouais, est-ce que t'es plus fan de, mettons, Yu-Gi-Oh! Ou de Pokémon quand tu joues aux cartes? Wow, je dois dire Pokémon. J'ai pas vraiment connu Yu-Gi-Oh! Je l'ai manqué de 2-3 ans. Moi aussi, près. Je te dirais, je suis un gros fan c'est de Magic. Ça. Fan de Magic dans You and I. Magic the Gathering. The Girl Repellent Collectible Card Game. Wow. On dit que non, mais moi, je suis un gros fan de ça. J'ai joué à Pokémon aussi. C'était pas une question piège, mais j'ai arrêté à Yu-Gi-Oh! Là, à un moment donné. Faites le tour. Ouais, c'est ouais, ça. C'est ça. D'ailleurs, je trouve que dans ces cartes-là, dans le concept artistique, il y a un petit peu de la Batmanification. Un concept qui était cher à notre imam des valeurs québécoises et qui m'est très cher aussi. D'ailleurs, je vais commencer avec ça, tiens, parce que avez-vous entendu parler du nouveau Batman? Est-ce que tout le monde a entendu parler du nouveau Batman? Le nouveau Joker. Ouais, hein? Est-ce que ouais, ça vous dit quelque chose? Savez-vous, le nouveau Batman va être joué par Michael Keaton, puis tout le monde est en crise après ça. Ça a pas de bon sens, Michael Keaton. Il a juste fait des comédies. Ah non, finalement, ça va être Val Kilmer qui va le faire. Bah, ça a pas de bon sens, Val Kilmer. Pourquoi Val Kilmer qui fait le nouveau Batman? Ah non, ça va être George Clooney d'abord. Ah, Chris, ben non, pas George Clooney. Ben non, crime, ça peut pas être George Clooney. Non, non, oublie ça, c'est pas George Clooney. Finalement, c'est l'autre, le Christian Bale. Ben là, Christian Bale, il a rien fait. Pourquoi ce serait Christian Bale? Non, non, ben non, oublie ça. Non, non, c'est pas Christian Bale. Ça va être l'autre, là, Ben Affleck! Ça a pas rapport! C'est pas Batman! Ah, c'est-tu que je n'ai plein le cul de Batman, moi. Puis là, en plus, t'as la même sauce, hein. Moi, je l'ai vécu dans le temps, je me rappelle. Il y avait le Joker, ça va être Jack Nicholson. Ouais, il me semble qu'il est vieux pour faire un bon Joker. Ouais. Non, non, Joker, finalement, c'est Matt Ledger. T'as-tu vu les photos? Ah, ça le fait pas. Heath Ledger, pardon, de son vivant, genre. Non, non, ça le fait pas, tu sais. Heath Ledger en Joker, ben non, là, t'as vu, il y a même pas de maquillage, il y a même pas de saut de fluo, pis tout, c'est pas le Joker, ça. Ah, ben non, mais finalement, c'est l'autre, là, c'est Jared Leto. As-tu vu comment ça fait pas? Ah, si, Chris, attendez d'avoir vu le film avant de critiquer. C'est peut-être la morale qu'il faut retenir de ce préambule de 70%. J'en ai eu un espèce de caillot tantôt. L'envahissement publicitaire. Mais finalement, ça va être qui? On sait-tu ça? Le nouveau Batman? Ouais. Oh, Ben Affleck. Ça va être Ben Affleck. Là. Ah ouais. Ouais. T'as-tu une opinion particulière sur Ben Affleck, Laurent? Non, pas plus que ça, pas plus que ça. On ouais, avance, tu vois, ouais, tout le monde prend une gorgée de bière en même temps, le temps. J'adore ça. Pognez les trucs vite, les gars. Sinon, toi, percussionniste de You and I, oui, les percussions, pourquoi? Pourquoi? Ça a commencé jeune, fait que ça a jamais switché. C'est voilà, ça qui est arrivé, voilà. Okay. Voilà. C'est pas comme le gars qui avait plus de guitare, fait qu'il se ramasse pogné avec la baisse. Oh, ouais, ça aurait pu arriver, mais non, fait que je suis resté ces percussions. Puis, ouais, puis ouais, je ouais, vois ouais, d'ailleurs, parce que c'est de notoriété que le percussionniste est tout le temps celui que ça va le mieux avec les filles. T'as-tu un commentaire là-dessus? Oh, le chanteur est pas bien ben loin en arrière, ah, ouais, si tel hein, est le cas. Ouais, c'est qui ouais, le chanteur? C'est Ludovic, ça? Ok, ouais, c'est ça. Ouais, ah, il fait signe, ouais, je suis capable. Ben, ben content de vous avoir avec nous. You and oui, I, c'est quoi? C'est un projet assez récent. J'ai vu qu'il y avait juste un clip sur les internets. Oui, absolument. En ce moment, il y a juste un clip. C'est-tu un projet assez récent? Avec Ludovic, ça fait 4 ans qu'on est ensemble. Voilà, c'est ça. Fait qu'on a fait un EP à date de 3 tunes ici au Piccolo à Montréal. Ok. La toune, le clip justement Hopes a été lancé aux États-Unis au mois de janvier. Fait qu'assez récent, activement, oui, mais ça fait longtemps qu'on pratique ensemble. Ok. Quand tu veux dire activement, il y a comme une switch qui a tassé. Là. C'est là que vous avez recruté depuis les deux autres. Là. Ouais, c'est ça. Jean-Simon ouais, puis Nicolas. Là. Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est ouais, quoi, ouais, il manquait de bassiste ou? Ouais, il manquait de création, peut-être. Ah ouais, ou, hein? Non, non, mais non, blague à part. Il y a l'air de ça vouloir parler, il y a un micro, là. Prends, ouais, vas-y. Nicolas, vas-y. Ah ouais, dis-le. Non, mais j'ai rien à dire, c'est parce que c'est mon frère. Ouais, c'est on ça a commencé à jouer quand on était petit. OK. Lui, il avait histoire de famille. Ben oui, il y avait quel âge, toi? T'avais quel âge quand t'as commencé? J'étais jeune, 12 ans, 12-13 ans. Ouais, mais avant ça, que ce soit plus sérieux, là, ça doit faire 4 ans avec Ludovic, justement. OK, c'est mais bon. Mais les ça trois, ça fait 8 ans, 8-9 ans qu'on joue ensemble. Et ouais, voilà. Absolument. Voilà. C'est ça apprécie. Il est bon, je comprends pourquoi vous l'avez envoyé en avant. Ouais. Sinon, là, vous avez pas encore fait de tournée, il n'y a pas encore un album. Pas c'est encore, vraiment pas encore, embryonnaire. Pas encore, fait qu'on est chanceux de vous avoir. Là, dans exactement. Le... C'est le temps de se faire signer quelque chose, là, parce que tantôt, ça va peut-être valoir super cher. Ouais, ouais. Jusque où tu vois, toi, dans ta vie, là, tu Il n'y a pas de limite. Pas de limite. Ah, étant donné ouais qu'on chante en anglais aussi, fait que. Pas de limite. Mais ça, voilà, serait de faire ça de notre ça, vie, ça, c'est un choix, justement, pour avoir le moins de limites possible, là, chanter en anglais. Non, non, c'est juste l'inspiration vient en anglais. Ça pas. Ça pas. Ça, c'est pas parce qu'on on voit des barrières ou rien en français, c'est parce qu'on écrit en anglais. Fait que, ben, c'est ça. Vous devriez faire une tune qui s'appelle Jack Parizeau, genre une affaire de même. Ça ouais, ouais, ouais, ou tu sais, des refrains anglais-français. Ouais, la nouvelle mode, la nouvelle mode. Ouais. Yeah, non, mais ça serait plus Justin Trudeau, je pense. Ouais, si tu chantes les deux, là, il fait pas ça, c'est douche. Non, ça. Ouais, c'est on fait pas ça. Non, tu vas bien le mentionner. Ouais. Ouais. Ouais, ouais, moi, je suis plein de bons conseils. C'est pour ça que je fais des shows gratuits le lundi. Sinon, ben, l'idée du band, pourquoi You and I? Moi, j'ai trouvé ça bizarre comme titre. Comme non, ça vient en fait du bonding entre nous, la foule, fait que You and I. Mais l'inspiration vient vraiment de la tune And You and I de Yes. Puis c'est vraiment. Est-ce qu'il y avait vraiment une signification particulière au début? Non. Mais c'est devenu comme ça, puis c'est comme ça qu'on l'a vu après ça pour vraiment dire ça peut faire un titre, un nom de band, You and I. Fait qu'on l'a vu vraiment que nous. Puis le fait aussi qu'on soit quatre chums, quasiment quatre frères. Fait que c'est vraiment, ça signifie un tout. Puis j'aime aussi que vous avez pas été texto, là, un U, puis un ampersand. Tu sais, embarqué par-dessus l'autre. Un U, un N, apostrophe. Ouais, ouais, c'est ça. Ben, je pense que c'est à peu près ça pour le début. As-tu une question, toi, Andy? Là, ils ont dit qu'ils jouaient pas à Magic, ça. Je suis un peu déçu, moi. Là, ouais, peut-être. Ouais, ça comme Asti qui se sent pas mal aucun moment. Peut-être la prochaine fois. Ouais, on va c'est commencer. Sûrement, l'orage contre toi. Bon, ben, je pense que le show va commencer comme ça. Bien sûr, vous êtes là, vous avez un micro, vous commentez. Il y a des chroniqueurs qui s'en viennent. On va commencer par un que j'aime bien gros pour un petit peu mettre la table. C'est notre lecteur de nouvelles. Lui, c'est le seul qui parle. Ça en est un de ceux qui parle. Des vraies affaires, là. Andy, parle-moi! On y va! J'ai mis mon habit pour être crédible, parce que ça a l'air que si on se met une cravate, on devient crédible tout d'un coup. On part vite. Oh oui, je t'écoute. En nouvelle dans le monde. On y va. Dans le monde, une femme et un homme, Doris Rowe, 48 ans, et Kenneth Edwards, 54 ans, ont conduit 40 km vers un magasin Winn-Dixie de D-Land, en Floride, afin de commettre un vol. Un gérant de magasin ayant aperçu Rowe fourré de la charcuterie et d'autres items dans son pantalon a tenté de l'arrêter. Rowe a donc frappé le gérant dans le cou et a pris la fuite en échappant des côtes de porc, deux boîtes de détergent et trois purificateurs d'eau de ses culottes. Les agents de police ont réussi à les intercepter dans un bouchon de trafic. Ils ont donc trouvé des steaks de faux filet, du bœuf haché, du bacon, des côtes de porc et un gallon d'eau de Javel dans les pantalons pour une valeur de 361 $. Aïe, le gars traînait de quoi faire un barbecue pour 20 personnes. C'est débile. Ça vient-tu de TVA Sports, ça, peut-être? Non, ça vient des États-Unis. Ah, c'est une grande source de bonnes nouvelles. J'aime beaucoup qu'il soit arrêté par un bouchon de circulation. C'est génial, tu sais, c'est comme... Ben oui, c'est ça. Mais. De toute beauté. Let's go, next. On s'en va en Grèce. Le tribunal grec a condamné un homme pour avoir volé de l'électricité à partir d'un service public d'électricité et lui a donné un sursis de 6 mois de prison. L'avocat de la défense, Christos Bakelas, a indiqué à la cour que son client, Thessalonique, était décédé et a demandé de reporter le procès jusqu'à ce qu'il puisse délivrer un certificat de décès. Le tribunal, dans toute sa sagesse, a refusé et a condamné son client. Les dossiers de la police indiquent que l'homme chômeur de 46 ans, père de 3 enfants, est décédé le 8 avril dernier, mais Bakelas a été informé qu'à la veille du procès. L'homme ayant été accusé l'an dernier après que des militants ont reconnecté son alimentation qui avait été coupée par la pauvre compagnie d'électricité pour des factures impayées. Bakelas dit qu'il est étonné de la décision de la cour et n'a rien vécu de tel depuis ses 25 ans d'être avocat. Fait que là, dans le fond, là, la cour demande au décédé de revenir... De comparaître pour aller en prison pendant 6 mois. Là... Ils vont peut-être le déterrer. Calvaire! C'est quoi, un Ouija, je pense, ça se peut, ça. Crois-tu à ça, toi, les fantômes? N'as-tu un qui croit à ça? Non? Moi, j'aime ça. En tout cas, j'aimerais ça qu'il y en aille. Hein? On s'entend. Ce serait le fun. Wow. Portez-lui assistance, quelqu'un. Parlant de Ouija. Ah, c'est ça, c'est pour ça que la viande est tendre ici, genre. Let's go next! Woo! Une annonce sur le site Craigslist promettant counterfeit legit $$$ contrefait légal $5 a conduit à l'arrestation la semaine dernière d'un homme Merritt Island pour des accusations fédérales. Tony Jerome Torbert Jr., 20 ans, a été accusé de possession de monnaie contrefaite avec l'intention de frauder, passible d'une peine de maximale de 20 ans dans une prison fédérale. Il a été interpellé vendredi et libéré sous caution. Selon un communiqué de nouvelles du bureau de shérif du comté de Brevard, le bureau de shérif des crimes économiques a effectué 3 achats d'infiltration et Torbert a été arrêté dans le milieu d'une 4e vente. Les députés ont par la suite, avec un mandat de perquisition, pénétré chez lui et saisi une imprimante, un ordinateur et des faux dollars. Les agents du secret du service secret des États-Unis ont été appelés et ont aidé les policiers. Hey, esti de sans dessin. Fait que là, il y a une morale à ça. Si vous faites de l'argent contrefait, allez pas sur Internet pour dire que vous faites de l'argent contrefait. Ben oui, puis je veux dire, le gars, il est assez rusé pour s'ouvrir un compte Craigslist pour faire copie sur un scan de pièces, débile, genre. Je... Mais il est pas assez rusé pour se douter, en tout cas, qui est con. En tout cas, il avait pas une belle perspective. Tabarnak, man. Gars, tu vois, l'humanité avance à 70%. Là. Ce gars-là, il a donné son strict minimum. Là. Son parce que s'ouvrir un compte Craigslist, c'est très, pas compliqué. Très, strict là. Minimum. T'as-tu un email, puis t'as-tu des doigts, puis un clavier, genre. C'est à peu près ce que t'as de besoin pour t'ouvrir un compte Exactement. Craigslist. Let's go, next! On va pour une dernière, mais je suis triste que Toto n'est pas là ce soir. Ça aurait été une excellente pour lui. Je suis sûr qu'il aurait payé pour. Notre événement sera constitué de pistolets et de mitraillettes plaisir, ainsi que de concours de tir avec Rob O'Neill. Promet l'invitation envoyée par l'organisation conservatrice For America à des donateurs et révélée par le Washington Post. Ceux qui seront prêts à débourser la somme de 50 000 beaux dollars séjourneront au Amangani Resort Hotel de Jackson Hole dans le Wyoming, qui offre, selon l'invitation, une vue pittoresque sur le parc national du Grand Teton, ou Teton, je suppose, et la rivière Snake. C'est drôle que la rivière Snake est à côté du Grand Teton. Du Grand Teton, oui, oui. Et moi, je suis passé par là, puis ça... Ouais. Ça fit, hein? Ouais, ouais. C'est une drôle de coïncidence. La nature fait de belles choses. Voilà. Une partie du week-end se déroulera au tout proche du Jackson Hole Shooting Experience, présenté comme l'un des premiers espaces de tir de l'Ouest américain. Le porte-parole de l'ancien Navy SEAL a indiqué que celui-ci avait accepté de participer à l'événement pour envoyer l'ascenseur à un ami qui l'a aidé auparavant. Mais qui est cet homme? Qui est Ryan O'Neill? Rob O'Neill. Dans un documentaire réalisé l'an dernier par Fox, avec qui il collabore maintenant, c'est une surprise, Rob O'Neill avait affirmé avoir tué l'ancien chef d'Al-Qaïda, Oussama Ben Laden, lors d'une opération militaire secrète au Pakistan. Avant sa diffusion, M. O'Neill avait confié au Washington Post qu'il avait tiré la balle fatale à Ben Laden dans sa résidence secrète d'Abbottabad, Carlis, en mai 2011. Donc, on peut payer 50 000 $ pour aller tirer du gun avec le gars qui a tué Osama Ben Laden. Hey, ça m'intéresse super pour moi. Cool. C'est génial. Le day training, tu sais, pour 50 000 $. Puis, je veux dire, en tout cas, me semble je serais pas fier d'être à côté d'un gars qui a tué quelqu'un. Hein. Je sais pas si le mieux c'était d'y tirer une balle dans la tête. Il a pas tué quelqu'un, il a tué le démon. Américain. Ouais, il a stoppé le terrorisme. Ouais, c'est ça. C'est un guerrier de la liberté. Sûr. La liberté a été protégée parce qu'il a tiré une balle dans la tête à quelqu'un. Voilà, c'était encore de la ligne éditoriale. Comment ça va à date à la table de UNI? Peut-être qu'on pourra entendre Jean-Simon un petit peu. Il fait signe oui de la tête. Oh, il est gêné. J'aime ça. Ça va bien. T'as-tu une petite joke vite d'avant? Non, même pas. Non? J'en ai une pour toi. Vas-y donc. OK. Knock, knock. Allô? Qui est... Bah ouais. 9-11. 9-11 what? 9-11 what? You said you'd never forget. Ok. D'habitude, elle est meilleure parce que je la manque pas. Okay. Fait que je pense qu'on passe au prochain. Let's go, Nick! Ah, Fred, il était pas prêt. C'est une surprise. C'est la Ah ouais? On va le garder pour plus tard. Mais ça, un autre d'abord. Let's go, Nick. Ah, bon. Invité. Salut Maxime. Ah oh, ouais, prends-le micro, fais comme chevaux. Bon, ça casse ou ça casse? Ça passe ou ça casse. Yes. Moi, j'ai confiance en toi, là. Hein? Tu vois, il est stressé, c'est sa première fois. T'as-tu un conseil à lui donner, Laurent? Sois toi-même. Mais non, mais... C'est un beau conseil. Aïe, ça, tu peux aller à la guerre avec ça, Chris. Je pense que je me donne un petit peu... Envoie chier tout le monde, ça va te faire du bien, Maxime. Ah, peut-être un peu tantôt, vers les deux tiers environ la chronique. Je pense que je me mets juste un peu trop de pression parce que je veux faire... qu'est-ce que le whatever... Qu'est-ce qui se serait arrivé, genre? Ah, exactement. Non, c'est ça. C'est ça un petit peu pour me déjeuner, donc... ça se peut que j'aille aux toilettes 3-4 fois pendant la chronique, là. T'as ton petit sac à vomi aussi. Un petit sac à vomi en plein ici. Avant que ça va commencer, je vais faire un sondage. Quand on va au Saint-Hubert, vous autres, là, vous prenez-vous la salade de choux crémeuse ou traditionnelle? OK, crémeuse, on lève la main, crémeuse. Voyez? Je... C'est un signe que le monde évolue, ça. Traditionnel, traditionnel. Ben, en tout cas, moi, en tout cas, quand je vois Saint-Hubert... Il y en a qui vont jamais au Saint-Hubert, en fait, là, de ce que je comprends. C'est assez dégueulasse, en effet. Mais en tout cas, moi, quand j'y vais, là, j'aime toujours mieux que la bolle de salade de choux soit crémeuse que traditionnelle. Mais quand je vois leur toilette, j'aime toujours mieux que la bolle soit traditionnelle que crémeuse. Bon. OK, on va commencer un peu pour le vrai, là. Ça va s'écarter au max, comme Van Damme dans une pub de truck et Volvo. OK, vous pouvez chanter toute Diania pendant que je l'imite, là. Promis. T'as à boire, man. Ça va mal finir, ça. Ça va, c'est mal finir, mais bon. Yeah! Donc, savez-vous qu'on peut faire monter les marches à une vache, mais qu'on peut pas y faire descendre? Yeah, wow. OK, bon. Un fait de la vie, ça, c'est cool, ça. Donc, en tout cas, mes parents m'avaient dit... Quand l'enterrement de mon grand-père, ce serait un événement qui saurait me faire grandir. Mais pourquoi les sandwichs du buffet froid, il n'y avait aucune croûte? Tu sais, comment tu veux que je grandisse, que je dépasse trois pommes si c'est pas dans les cueillettes, là? OK, ben ouais. OK, c'est bon. Mais en tout cas, les affaires bien pires que ça dans la vie. Tu sais, passer tout juste après Mme Minot à la clinique de dépistage de MTS. Tu sais, si c'est pas capable de prédire quand elle repèse, qu'est-ce qui arrive avec mon 5,99$ la minute? Il y a les chansons du Club Med aussi qui sont assez dégueulasses. Ça a joué pendant toute mon enfance. Oh les mains, oh les mains, oh les mains, oh les mains. Ah, Chris, oui. Donne-moi ton cœur. Donne-moi ton cœur. Ah, misère. Je l'ai dans la tête jusqu'à demain, c'est ouais, sûr. Ouais, c'est chiant. Puis il y a des bouts sans explosion dans les films de Michael Bay. C'est comme. C'est un peu comme aller au feu d'artifice, mais qui a rien dans le ciel, un peu. C'est vrai. Il y a moins bonne saison de Stéphane Richer. Il y a mon oncle louche, bedonnant, qui fume la pipe. Puis ça, c'est mon oncle Philippe. Je pense que je vais m'arrêter là. J'en dirai pas plus. Salut à ton oncle. Salut Philippe. Ah, il écoute pas, donc. Il y a Philippe Couillard qui me fait aimer Harper qui chante Sweet Child of Mine dans un petit bar miteux du fin fond de la Saskatchewan. Agadou Doudou pousse un œil mou de café. Une autre tune du Club Med à ma connaissance. Patrick Zabé! Yeah! Est-ce que vous savez que les vers de terre avaient 5 cœurs? Oh, colisse! Puis les salauds en ont aucun. Le monde est quand même assez injuste. Hein. Les quoi, les? Les salauds. Les salauds. Les salauds ont aucun cœur. Les salauds. Aucun les salauds. Inquiétez-vous pas. Ça va avancer, ça va être bien, ça s'en vient. Oh, oui, moi j'avais compris salon. Respirer du gaz avec lacrymogène en chassant un café à 5$. L'absence de l'Oxford Coma, mais ça on s'en fout, il y a juste les grammairiens qui s'intéressent. Tu sais, je pleure quand mon pot de peanut est vide. Pour mon bagel, alors qu'il y a des Africains qui boivent aucune eau. Regardez Marie-Chantal Toupin dans les yeux. Y a-t-il rien assez plus plate que ça? Regardez Marie-Chantal Toupin dans les yeux. Ça, c'est vrai, ça. Peut-être l'écouter un peu aussi. Ça regarde pas à bonne place, c'est juste ça, dans le fond. T'sais. Ben, c'est parce qu'il y a le vide dans ses yeux. Il y a aussi les madames de Westmont qui donnent du Pepto-Bismol à leurs chiens. C'est quoi, s'ils font le beau, ils n'auront plus mal au ventre? Des tweets. Mais bon. Kissy MNOP est meilleur rappeur que moi. Ça, c'est vrai. Yeah. C'est très vrai. Puis, est-ce que je vous ai dit que les triangles amoureux ne seront jamais équilatéraux? Mais bon. Oui. J'avais de grands espoirs avec cette chronique-là. J'espérais que cette chronique soit comme un peu pour le 21e siècle, ce que le I Have a Dream de Martin Luther King a été du 20e siècle. Mais je pense que ma chronique, elle va assez mal. Là. Je pense que c'est assez merdique pour l'instant, mais. Bon, mais c'est pas grave. Je dirais que c'est inégal, mais on sent l'effort. Ça, on aime ça. Pas trop d'effort. Elle est isocène. Yeah, mais en tout cas, j'en ai rien à foutre que ça soit assez mauvais parce que. Parce que. Peut-être un peu d'égoïsme, je sais pas, mais. C'est un peu une victoire d'être ici. T'as oui, parce que c'est assez gêné, puis je me suis dit, je vais venir en avant pour m'aider à me dégêner. Tu sais, pendant plusieurs années, je souffrais un petit peu d'anxiété, j'étais un petit peu à regarder tout le temps à terre, faire le moins d'interactions possible, aller au dépanneur, ça me prenait tout mon petit change pour masser un paquet de gomme et tout, donc... Maxime, comment on l'applaudit? Sérieux, oui! Fuck oui! Sabristi! Je me suis dit, je vais essayer de venir parler en avant un petit peu une fois pour ça. Ça n'a peut-être pas marché aussi bien que je voulais, sauf que... Ça marche jamais aussi bien qu'on veut. Ah, ça, c'est vrai. On se fait beaucoup, beaucoup, beaucoup trop d'attentes. Donc, je sais que peut-être une personne ici, je ne demanderai pas de se lever la main. Il y a peut-être une personne ou deux ici qui sont assez gênés, assez moins intéressants possible. Donc, il y a un espoir. Ben peut-être oui. Que la chronique, si vous faisiez une chronique un jour, elle serait peut-être meilleure que ça, là. Elle va être plus réussie. Ça m'a pris quand même 5 ans à l'écrire. Elle est pas mauvaise. Elle est géniale, ta chronique. Bon. Donc, c'était ma chronique. Ah, let's go. Ben, merci. Bravo, Maxime. Wow. Bravo. Man. Bientôt, tu vas nous pisser dessus. Ah, ben, tu sais, c'est sûr et certain que de donner son strict minimum, ça devient une thérapie qui est très, très agréable avec le temps, je pense. Bravo, Maxime. Il est tout content. Ben, il y a de quoi, là, je veux dire. Nous, on voit ça comme, ah, OK, il est allé sur scène, il a fait une chronique, mais lui, c'est une montagne qui vient de gravir, là. Ben oui, il en a même parlé. Fuck, man, t'es en haut, là. Avez-vous déjà eu ça, vous autres, le stress sur la scène? C'était-tu un facteur d'une manière... C'est pas toujours évident, surtout quand tu rencontres des foules hostiles, comme on peut dire. T'sais, tu joues une toune, tu penses que ça va bien, mais ça va pas si bien que ça finalement. Fait que là, c'est pas évident. Le track, comme on l'appelle avant. Il faut travailler avec. Hein. Exactement. Puis y a une affaire, j'ai oublié de vous dire en préambule, comment vous vivez ça? Je veux dire, là, vous avez l'âge pour entrer dans un bar, c'est fini, vous pouvez jamais être un boys band. Mais c'est le fun en même temps. Ouais, hein. Tu sais, tu veux pas être mis dans le boîte. Ouais, mais, tu veux pas être étiqueté un boys band, même si tu l'es pas. Parce que si vraiment t'es un boys band, c'est-à-dire que tu fais juste chanter ou ben, du lip sync, tant qu'à ça, t'sais, que t'as un playback en arrière. Bon, là, ça, c'est autre chose. Mais c'est pas parce que tu sais, il y a des bons jeunes musiciens, mais on est conscient que s'il y a 5 ans. Mais pas nécessairement nous autres, mais n'importe quelle band perce à 18, 19, 20 ans sont étiquetés comme un boys band, no matter what, qu'ils chantent ou qu'ils soient des musiciens extraordinaires, c'est fini. Ton legacy, c'est boys band. Fait qu'en même temps... Un bel exemple de ça, c'est Ludovic, peux-tu me faire ton plus beau mbop? Mbop. Mbop. Mbop. Mbop. Parce que là, en plus, cette band-là, les Hanson, oh, ils yeah. Il a perdu le contrat. Exactement. OK, on change de sujet. Let's go, vas-y pour le prochain. Nick, prochain. C'est parti. Basso Double Computer Liebe, qui veut dire en allemand amour par ordinateur. Chanson de 1985 qui était pas mal avant-gardiste. Hein? Aujourd'hui, on vit ça. Je la dédie à Mademoiselle de Metz. Ah ah! Plein d'œil. Wouhou! Ah ouais, hein? C'est un name-dropping fille, man. Ben oui, je viens de faire ça. Il fait ça, lui, une fois de temps en temps, dans ses chroniques. Là, il utilise son fame. Ouais, fait que c'est un groupe allemand de la nouvelle vague des années 80 en Allemagne, un couple dans la vie depuis 30 ans. Groupe qui mélange du Schlager, hein? Du Schlager qui, en Allemagne, veut dire de la musique de variété Ketten Kitsch, là. Ah. Ce qui me tapait un peu, parce qu'ils mettent ça dans leur refrain, comme à la fin de l'extrait, on sent que le refrain est pas trop 80s, tu sais, c'est un peu kitsch. Fait que ça me tapait un peu ses nerfs, mais à la longue, ce qui est arrivé, c'est que je me suis mis à aimer ça, à un moment donné, parce que ça faisait penser à du Marc Drouin. Et surtout ça, avec c'est danses, Schlager en sa prestige. Ben, moi, j'aime Marc Drouin. Hein? Mais en tout cas, par rapport aux danses et aux sons électro, ça fait penser à du Marc Drouin mélangé avec l'émission Trabolidon. Trabolidon, émission de Radio-Canada avec Sylvie Léonard qui était très flyée. Elle était capotée. C'était assez capoté. Fait que ça donne un truc assez exotique, extraterrestre, robotique. Quand tu vois le vidéoclip, c'est très drôle, Computer Libé. Et elle était chanteuse punk. Lui, il travaillait avec Nina de 99 Red Balloons. Et il a composé la chanson Major Tom Coming Home de Peter Schilling, un gros hit de 83. Et cette chanson-là était une suite non officielle du Major Tom de David Bowie. Oh. Fait que c'est le fait marquant de ce ça, gars-là. C'est et la de version ce de Plastic Bertrand, c'est Attention, départ. Ouais, c'est ça. Son année de la terre. C'est super bon, ça. J'écoutais ça en faisant du basic. Ben, c'est pas chanté par Plastic Bertrand. Ben oui, la version de Plastic Bertrand est meilleure. C'était très Schlager, Major Tom, au refrain, justement. Fait que là, on va passer à la correspondance Spotted de Sexto et Texto ça. Des années 80, ça, du préhistorique ça, correspondance ça, ça. Ouais, avec Corey Hart sur le cover. C'est dans le temps que, tu sais, il n'y avait pas de texto, là, fallait que t'ajoutes un timbre, si tu voulais. Envoyez-moi une photo de Corey Hart, là, c'est de toute beauté. Fait qu'on commence avec une fille, Ida Hardy, de Grosse Roche à Matane. Salut l'équipe! Et merci de votre beau travail. Es-tu licheuse, elle? Ouais, elle vous laisse faire publier. Elle, ouais, hein? Je voudrais correspondre avec des gars de 19 à 30 ans. Hey, la majorité là-dedans, moyenne, ils ont quoi? 13, 15 ans maximum? Ouais, ouais. Non, mais elle a compris c'était à qui ça s'adressait, ce public. C'est ça, assez weird. Après ça, elle dit, si vous faites de la moto... Wow, mon téléphone s'est fermé. Si vous faites de la moto... et vous êtes des mordus du heavy metal, vous frappez à la bonne porte. J'aime faire du sport et surtout de la moto. Duh! Et c'est ça, Ida Hardy de Matane. La moto, c'est du sport. Ouais, ben pour certains. Ça a l'air que oui. La course automobile, c'est du sport. Les échecs aussi. Ouais. Parce que ça me brûle l'énergie. Le poker! Ouais. Alors, on commence avec une fille qui a des intérêts assez particuliers. Salut aux intéressés! Je m'appelle Manon Beaulieu et je mesure 5 pieds 2 pouces. Je voudrais rencontrer des amis intéressants. No shit! C'est méta. Elle était dans l'intérêt, elle. Hein? Ah ouais, ben Manon Beaulieu de La Salle. C'est comme les autres qui disent si t'aimes ça, avoir du plaisir, contacte-moi. Ouais, c'est ça, moi j'aime ça avoir du fun. Toi, aimes-tu ça avoir du fun, toi, ben, Laurent? C'est rare. Si tu aimes le fun, contacte-moi. Si tu aimes respirer, moi aussi j'adore respirer. C'est ça. Contacte-moi. Alors maintenant, un spotted. Vous, les trois gars de Montréal, vous rappelez-vous par un beau samedi après-midi de juillet, vous avez fait des photos de mariage au Jardin botanique. J'aimerais vous rejoindre. Chantal Lortie de Donnacona. Hey, ça n'a jamais marché. Non, c'est clair, là, tu sais. Les trois gars de Montréal qui prennent des photos au Jardin botanique en juillet. Ben, hey, c'est voir, hein. C'est demandé dans un wow. Une chose qu'elle s'est nommée, peut-être qu'elle nous avait parlé avant. Là, non, mais sinon... ça a parlé de ça. Elle aurait dit ouais, Simon, Jean-Bertrand, puis Gabriel. Effectivement. Ça allume rien chez vous, non? Non, non. À un moment donné, on va tomber sur quelqu'un qui a déjà écrit là-dedans. C'était niaiseux, le Jardin botanique des années 80. Hein. C'était pas la place où elle est. Ah ouais, toi, t'as pris cet angle-là dans la discussion. Ouais, je suis audacieux. Ah ouais, je l'ai pas vu venir, ça. Maintenant, bonjour! J'aimerais beaucoup correspondre avec des gens qui sont capotés! Yeah! Capotés! Comme moi. Ah ben oui. Et qui trippent sur Eurythmics. Drôle de mix, hein? On l'entend pas souvent. Capoté. Ouais, j'avoue que c'est comme plus... Capoté, moi, je penserais métal, mettons. Ouais. Motley Crue, à la limite. Motley Crue, c'est capoté. On a... Qu'est-ce que... You and I pense Motley Crue, c'est when capoté. When I say Tommy, you see Lee. Tommy. Tommy. Je pense qu'il trouve ça capoté. Ouais. J'aime beaucoup votre magazine. Encore une autre licheuse. Alors, écrivez-moi au plus vite. J'ai 15 ans. Mathieu Jaudoin. Ah, c'est un gars. Mathieu Jaudoin de Brossard. Un licheux. C'est rare qu'on voit ça. À 15 ans, en plus, il écrit dans le magazine Wow. Ouais, un gars, ouais, à 15 ans, c'est vrai que c'est rare. Maintenant, un autre spothead. Ariane Charbonneau voudrait avoir des nouvelles de la gang de gars qui faisaient les sosies de Corey Hart à l'émission Pop Express de Rock Denis. Les vite tabarnak. De vos nouvelles au 837 route blablabla, Laurentide, Québec. Les trois gars qui... La gang de gars qui faisaient le sosie de Corey Hart. Ouais, hey, elle avait un trip assez particulièrement... Ouais, c'est en tout cas, elle veut correspondre. On sait qu'elle veut correspondre avec les sosies de Corey Hart. Elle devrait aller pour Corey, tout simplement. Une petite avant-dernière. Hey, la Polly Armand Corbeil, vous reconnaissez sûrement Sylvain et un certain bassiste au chandail rouge... À bientôt, j'espère, Isabelle Lapierre qui vous adore. Ça sert à rien, ça. Moi, je me dis, j'aimerais ça être le bassiste pour une fois. C'est vrai. Ce que j'aurais pas à faire à elle. À part de ça, j'en ai une. C'est ça qui vient du musée de l'absurde où ce que certains d'entre nous habitent. C'était sur les murs, là. On a des murales, des collages. C'est un groupe, un gars qui cherche à faire un groupe rock. Salut les futurs rockers! Nous sommes à la recherche d'un bassiste, on parle de bassiste, d'un batteur, d'un claviériste, lui c'est sûrement le chanteur guitariste, hein, et d'un chanteur A, qui ont du talent pour un groupe. Je recherche seulement des gens qui commencent dans ce domaine. Donc lui, il veut pas se faire clencher par du monde qui sont plus hot que lui, clairement. Il faut que tu aies ton instrument de... Notre musique serait du heavy metal comme Motley Crue, Bon Jovi, Cinderella, Europe, puis le meilleur des bands metal, etc. Et bien sûr, des compositions de nous. Avis aux intéressés, si tu habites Chicoutimi, Jonquière ou dans ses environs, n'hésite pas à écrire Marc-André Gagnon de Chicoutimi. Et voilà, on lui souhaite de ça aille marcher. Bonne chance, ouais. J'espère qu'il n'a pas juste mis ça sur nos murs, parce que ça ne marchera c'était pas trop tôt. Non, ça ouais, pas c'est ça. On vit dans le monde de WoW, nous autres. Et ça apprécie hein? 1980 All the Way. Ouais. D'ailleurs, bon. Schtroumpf ou Snorky? Qui c'est qui se souvient de Snorky? Ben, tout le monde qui a plus que 30 ans. Merci, ouais. Jean-Sébastien. Salut! Yeah! Vous êtes dans zone safe, avoir moins que 30 ans. À ce moment-ci de l'émission, c'est de bon ton de voir avec Fred s'il est prêt à passer. Oui, on me fait signe que Fred est prêt. Donc, on va prendre notre chronique sportive avant la petite pause du milieu. Il ressemble plus à Patrice Brisebois. En fait. C'est vrai déjà qu'il paraît, les comparaisons. Stéphane Lando, c'est disgracieux. Non. J'aime mieux Patrice Brisebois, je pense. Ouais, Salut Fred. Allô, allô Tommy. Ben oui, content de te revoir. Ben oui. Là, je suis prêt comme un seul homme afin d'affronter l'adversité, Tommy, et de jouer avec l'énergie du. Que ton meilleur soit le meilleur. Oui, effectivement. Ça revient, hein. C'est une récurrence ça, dans le sport. C'est important. Voilà. Donc oui, encore une fois, j'ai passé la dernière semaine à écouter TVA Sport hein, pour que vous n'ayez pas à le faire. Donc oui, ça commence à être de plus en plus difficile hein, sur les oreilles et pour le moral. Donc t'es pas tout seul quand tu fais ça, toi? T'es ouais. Oh, oui, dans une pièce noire pas toi, là, il est seul. Ouais. Je l'ai vu faire, puis, c'est pas beau. Je plonge, tu sais, ouais. Comme avec les écouteurs. C'est puis, ça. Il est dans le lit, puis il crispe des fois. Genre. Puis là, je pleure. Ah, oh, misère. Comme quand Andy se masturbe dans sa chambre. Et exactement. Voilà. Fait qu'on parle de sport. mais si au moins je le disais pas, ça serait comme. Ouais, il en parle tout le temps, c'est pour ça que j'en parle. Ouais, c'est ouvert, là, c'est connu, c'est du domaine. C'est sur public. Internet. Ouais, voilà. Donc, oui, voici hein, mon compte rendu. Hein, en fait, un best-of des meilleures phrases de la part de nos experts favoris. Oui, les experts. Donc, on commence avec la première. Hein. Il n'y a pas de secret. Quand tu bouges tes pieds, ça va créer des chances. Et voilà. On peut essayer, hein, tout le monde, à la maison. Ouais. Bougez vos pieds, vous allez voir les chances pleuvoir. Ouvrez d'ailleurs votre petit calepin à notes. Là. Moi, je pense qu'à partir de maintenant, il faut... Le carnet bleu, on en a parlé la semaine le passée. Le carnet bleu des pour arbitres. Ceux qui suivent ça là, de semaine en semaine. Ouais. Et oui, ça, c'était Patrick Lalime. Hein. Et bon... Il y en a une autre, ça c'est un peu un easter egg, je ne l'avais pas sorti, je n'avais pas parlé encore, mais il y avait Michel Bergeron qui a sorti une élimination en disant hein, « On les a tous entendus les clichés depuis 48 heures. » Donc, ouais. Et tabarnak, la prise de conscience! Ben, oui, il s'est dit comme « On en a dit suffisamment, puis on les a tous entendus. » Quand on parle, on s'entend. Y a-tu fait un mic de drop puis comme. C'est ça que c'est. Non, malheureusement. C'est qui peut rajouter après ça. Ben voici ce qu'il peut rajouter. Hein. En tout cas, ça n'arrête jamais. Patrick Lalime s'est exprimé ainsi, hein, analyste des matchs à TVA Sport. Un lancé de match Pacioretty. Donc oui, des formations. Et bon, une que j'ai bien aimée. Hein. En série, il faut être en santé, il faut être chanceux. Mais il faut aussi que les décisions soient de ton côté. Renaud Lavoie. Donc ça, c'est des choses qui font partie du sport. Applaudissez Renaud Lavoie, s'il vous plaît. Ouais. Il manque d'applaudissements. Ouais. José Théodore hein, est allé de la suivante. Clairement, le joueur de Tampa Bay est rentré avec Carey Price. Donc, c'est pas où il est rentré, quelle heure. C'est évident. Mais bon. Ni où ils ont été soupés. Il a aussi dit Carey Price a été fidèle à lui-même. Hein. Il a neutralisé l'attaque des Tampa. Donc, ça, c'est une chose. Hein. Il a fait ça. Bon, tu l'as dit, il veut être le héros. Il veut être l'Oreo. Michel Bergeron. Ça, c'est un bon ami. Je suis certain, c'est l'infarctus. Analogie de biscuit. Donc, on les aura tout entendus. Toute une bataille hein, qui aurait pu aller d'un côté à l'autre. Patrick Lalime, donc voilà. C'est important, tu peux être déçu, mais tu dois construire sur la défaite de ce soir. Donc, Patrice Brisebois. Dave Morissette s'est posé une question essentielle qui est la suivante. Est-ce que ça laisse des traces? Donc, on ne sait pas, on n'a pas moi, de réponse à ça. Moi, je présume que des fois. Moi, tu sais, je veux dire, Dave, je pense qu'il pose les questions. Les réponses à tout. Oui. Dans le cas de Bishop, il a effectué de grosses arrêts. José Théodore. OK. On s'en va au Centre Bell, l'amphithéâtre le plus difficile à performer. On veut pas retourner à Tampa avec un déficit de 0-2. Un déficit? José Théodore. C'est comme quand c'est dividend, les déficits, c'est dividend. Oui, c'est comme les dividendes aussi. Donc, les séries. Ouais. Les séries éliminatoires. Déficit. Voilà. Effectivement, les joueurs peuvent être fiers de leur effort. Michel Therrien, qui ne s'est pas accordé les mots. Est-ce que c'est un match isolé ou c'est répété? Félix Séguin qui se pose des questions aussi. On reviendra pas sur le pourquoi de tout ça, là. Michel Bergeron, qui veut pas savoir pourquoi. De mon côté, je crois que ce sont les Canadiens qui se sont battus eux-mêmes. Patrice Brisebois hein, qui a eu ça, des c'est réponses. C'est philosophique, ça. Oui, c'est très philosophique. Ouais. Et José Théodore, il est allé de la suivante. Hein, tout simplement, on s'est tiré une balle dans le pied. Oh boy, pas dit de quelle sorte de balle que c'était. Tao, man. Pau. Et José a aussi dit, tu peux pas tirer de l'arrière 3-0. Donc, tu peux pas, Tommy. C'est impossible. C'est juste... On arrête d'en parler, là, OK? Tu peux pas. Donc, Jean-Sébastien Chigard, il a dit « Parler, tu peux le faire dans la chambre des fois. Tu peux le faire aussi devant les médias. » Donc, ça, c'est tout plein d'endroits où que vous pouvez le faire. C'est pas la liste définitive. Pas ailleurs, là. C'est ça, c'est ça. C'est pas... C'est non-exclusif. Ouais, c'est ça. Ouais, disons ça comme ça. Connaître Carey Price, bon, j'ai joué avec Carey... Patrice Brisebois. Donc voilà. C'est quoi, c'est du name dropping? Oui, oui. Ouais. Name dropping. J'ai déjà été dans la même pièce gros que Brice Lebeuf. Moi, je sais de quoi je parle. Patrice, on se dit, hein, la première chose dans les séries éliminatoires, oui, tu peux avoir de l'intensité, mais il faut aussi que tu gères tes émotions. Et ça, c'est vague. Ouais, très perspicace. Des fois, les émotions, ça prend le dessus. Et ça prend que tes meilleurs joueurs soient les meilleurs. Oui, ça... Mike Bossy. Ça, en fait, Mike Bossy l'a dit pour la milliardième fois, cette phrase-là. C'était prononcée. La milliardième fois, Tommy. Il y a des ballons puis un gâteau. Il y en a une à chaque semaine qui était à la thématique douteuse. Moi, j'aime bien ça. Dave Morissette, il est allé en disant « Présentement, on doute dans le vestiaire. » Donc, il savait ce que les joueurs faisaient à ce moment-là, donc après le match. Puis, il me semble qu'il avait dit ça la semaine d'avant aussi. Oui, tout le monde de l'extérieur vont douter. Ouais. C'était David Desharnais qui l'avait dit. C'est très douteux de douter. Ouais, c'est douteux. Et Morissette, il est allé aussi en disant « Tu me l'as fait remarquer, Jean-Sébastien, ce soir, la rondelle bougeait beaucoup. » Ouais. Ça se voit. Une chance qu'il a fait à remarquer. Il a fait à remarquer. Habituellement, un entraîneur qui gagne dit les bonnes choses. Michel Bergeron l'a dit. Il est entraîneur, donc il sait de quoi il parle. Il dit les bonnes choses. Il a déjà gagné. Il a même été échangé. Oui, c'est vrai. C'est un des rares entraîneurs à avoir Michel Therrien, entraîneur du Canadien, l'a dit en entrevue d'après-match. C'est dur de remonter de l'indiscipline. Ouais. Et Mike a dit, Mike Bossy, t'enlèves pas Carey Price à moins de savoir que Carey Price veut sortir du filet. Donc, faut que t'attendes qu'il crie à l'aide, j'imagine. T'sais, je sais pas. En tout cas, quand il est prisonnier du filet, là, tu veux en tout cas. Je sais plus quoi penser, Tommy. Je sais pas. Moi, je pense que c'est un petit peu une reformulation de Carey Price, c'est le meilleur gardien de but au monde. Ouais. Un concept duquel on est à peu près autant gavé que l'austérité, c'est important. Tu penses que c'était une reformulation aussi de Patrick Roy, 2 décembre 1995, Red Wings et Détroit? Ok, fantastique, c'est pas. Bon, ceux qui ont compris. Les deux personnes. Date dropping. Michel a semblé assez calme, on l'a même vu sourire. Dave Morissette. Là, ça va aller dans les hautes sphères. Hein? On peut pas laisser aller les choses comme ça. Donc, Michel Bergeron qui nous faisait réaliser l'importance de la chose. Qu'est-ce qu'ils peuvent bien crisser? Ils ont mis des coups de fouette à Marc Bergevin. Je sais pas, Tommy. Je sais pas s'il se flagelle ou s'il reçoit des coups de fouette. T'as remarqué, quand on parle des francs-tireurs depuis 2 semaines, là, ce sont tous des droitiers, Michel Bergeron. Donc, voilà. Moi, j'ai remarqué ça, Nesti. Tous des droitiers. Mmh. Et faut pas que tu passes par Timbuktu pour aller au banc des punitions. Stéphane Auger, qui a déjà été arbitre et il sait de quoi il parle. Et Patrick Lalime, qui à chaque fois, ceux qui l'ont entendu vont reconnaître. Hein, Clou de girofle. Oui, il y a un joueur du Lightning qui porte le nom de Nikita Kucherov. Et on entend toujours Clou de girofle. Donc, c'était une des grandes découvertes. Donc, là, c'est à ce moment que je vous sors un article, comme à chaque semaine, permettant la pratique du hockey pour illustrer les propos que je viens de dire. Ben oui. Parce que toi, tu connais le sport et tu veux nous passer. Voilà. Tu mérites cette veston. Ben, voici donc, Tommy, une patate. Mais bon, oui, c'est la même que la semaine passée. Donc, j'essaie d'user de continuité. Mais bon, c'est pas de ça que je voulais vous parler. Donc, voici donc une rondelle. Et la rondelle, comme on le sait, peut bouger très rapidement. Bouger très vite. Effectivement, il a suivi. Regardez. Donc, et. Est-ce que tu bouges tes pieds en même temps? Tu pourrais créer des chances? Oui, créer une chance. Je suis pas capable. C'est comme. Et la rondelle, comme on le sait, c'est ça, elle peut bouger très vite. Elle peut bouger jusqu'à des vitesses très rapide. Voilà. Et bon, non, vraiment, le point que je voulais illustrer cette semaine, c'est plutôt... Fait que là, il faut, là, le Canadien, là, il faut... Qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, j'ai apporté mon petit casse de hockey que j'ai acheté cette semaine dans une friperie pour 2,50$. Wow. On sent que ça va changer quelque chose, ça. Oh, le bonnet. Ça va mal finir, ces chroniques-là. Je sens que ça va mal finir. Il ressemble encore plus à Patrice Brisebois. Donne-lui un bécherel. Je sais plus comment ça s'attache, là, mais en tout cas, j'ai aussi apporté un bâton. Donc, tu peux-tu maintenir mon micro, Andy? J'ai un peu peur, mais oui. OK, Ok, donc, je vais essayer de. Parce que là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai élaboré en fait une stratégie afin de déranger le gardien adverse du Lightning de Tampa Bay, Ben Bishop. Hein? Donc, lorsqu'un joueur du Canadien là, va arriver à toute vitesse devant Ben Bishop, devant lui, le joueur du Canadien, là, il a juste à dire Hey Ben! Hey Benny! Look! A lightning! Puis là, Ben, il va dire, How? Where? Puis là, il va dire, Look, right there! It's magnificent! Puis là, Ben Bishop, il va regarder l'éclair. Puis là, il va faire, There's no lightning there! Puis là, ben, tu shootes le puck. En tout cas, tu potes dans le filet. Puis là, ça va faire un but. Puis on le sait, hein, depuis quelques semaines que je fais cette chronique-là, l'essentiel hein, pour gagner des matchs, c'est qu'il faut compter plus de buts que l'équipe adverse. Ouais. Voilà. Et il faut aussi en accorder moins que l'adversaire. Ouais. Donc, ce sera la clé du succès pour le Canadien pour la prochaine semaine. À ce moment-là. Sinon, ce soir, c'est l'avant-dernière fois que je fais cette chronique. Alors, ce sera l'équipe la plus rapide qui va gagner cette série-là. Merci Fred, tellement de vacuité. Oh, ouais, let's go. C'est toujours très important de pas tirer 3-0 parce que c'est tu peux pas tirer 3-0 de l'arrière. Et ça, Presti, fan de sport professionnel de par là-bas. Ouais. Certain. Le combat de Mayweather Pacquiao, avez-vous vu ça? C'était à prévoir. Il y a un ticket qui s'est vendu 141 000 piastres pour aller voir ça. Sixième rangée, ouais. Ringside. C'est débile. Absolument. Ouais, t'es même pas garanti que l'autre va sentir bon à côté ou quelque chose. Là. En plus, tu sais. En plus, bon, en tout cas, je pense qu'on est rendu à la moitié du pestac, même un peu passé. Là-dessus, j'invite notre technicien, cher capitaine Bollywood, Nick. Vas-y, mets-nous les tunes que t'as choisies pour la petite pause. Ça veut dire que ça va être le tour de Chinook de flasher, de venir nous montrer son buds. Nous, on va pisser, commander de la bière. On se retrouve ici dans 5 minutes pile, les deux derniers chroniqueurs, puis après ça, prestation live de You and I. Merci bien gros, les gars. À Merci. Tantôt, tout Merci, le monde. Boss. इश्क की दावत दो हरी मां हरी मां हरी मां हरी मां मैं हूं लाखों सिंहा तुझसी हिरनी दिखे तो ना जाने थमना नसों में प्रीति की ज्योति क्यों चले चले मना प्यारा रूला रासा साजन हो दिल ये कहे साजन हो दिल ये कहे नामा मानुष मैं हूँ पुरुषों का राजा हूँ कामातुर्यंतर हूँ सीधे जो दिल झुकते ऐसा सिरकम शेर हूँ मैं अरिमां अरिमां मैं हूँ लाखों सिंहा तुझसी हिरनी दिखे तो ना जाने थमना compagnon d'Ulysse 31. Celui qui mange des clous. Hein. Tu veux un petit clou? C'est Laurent qui est encore délégué par UNI pour venir s'asseoir avec nous ici. J'ai pas été mis au courant d'aucun changement. Ou... Fait que, et voilà. Tout ça pour acquis. Serais-tu... Ah, bon, voilà. T'aimes ça, toi, le... J'ai pas ça. C'est bon, c'est bon. Ça... Sûrement que ça doit faire partie du succès à long terme, je pense. Là. Assumer que si le monde aime ça, t'entendre parler, il faut que tu parles. Hein? Ouais, c'est une belle phrase, ça. Ouais. Comment tu vis ça, ton 70% à date? Très bien. Ça va pas bien? Ouais, ça va très bien. Comment ça se passe à la table de UNI? Ça va super bien. C'est divertissant, on aime ça. Ludovic, il dit que ça passe. Jean-Simon, là-bas? Ça passe très bien. OK, c'est bon. Puis comme Nicolas, il est pas là. Sans rire, tu sais, c'est... Hein, ouais, ouais. Ça va bien. Ça va bien, là. OK. Oh ben. Ben non, mais ça me va. Ah, ouais, je te crois. Bon, oui, c'était des bonnes réponses. Alors, rendu là, je pense qu'on peut continuer. Ça va être notre nouveau collaborateur. Let's go, Nick! Ah, Laurent. Voilà. Comment ça se passe? Alors, je vous explique. Tommy m'a appelé hier en panique. Ah, oh, oui, clairement. Alors, Laurent, fais quelque chose. J'ai fait quelque chose. Je pensais partir une nouvelle chronique qui parlait des oubliés. Les oubliés du passé. Tous ceux qu'on oublie, plein de talents, mais on les oublie. Le Québec en est rempli. C'est vrai. Alors, ça s'appelle « Traces de break du passé ». Si j'avais à vous parler d'un grand talent oublié de l'histoire poético-musicale du Québec, c'est non peu fièrement que je vous présenterai Jean-Claude Vagin. Jean-Claude Vagin. Monsieur Vagin est né dans un camping près de Québec. Il a appris très jeune à écrire des chansons et aussi à fourrer des vaches avec ses pieds. Comme son nom l'indique, son thème de prédilection est, vous l'aurez deviné, c'est le vagin. Celui-là même qu'on retrouve chez la femme. Il a eu beaucoup de problèmes avec le féminisme naissant à l'époque. Il a réglé la question en épousant la présidente de la Ligue féministe du Québec, Mme Jacqueline Brouch, qui maintenant, en plus de découvrir les plaisirs de l'outil masculin, produit les albums de Jean-Claude Vagin pour la grande région de Québec. Vous connaissez peut-être certains de ses tubes. J'aime jouer avec ton vagin. Vagin, j'y vite. Martina Navratilo-Vagin. Sais-tu compter jusqu'à vagin? Tous des succès au camping du lac Cristal, mais qui n'ont malheureusement su faire les hit-parades. Ce soir, j'aimerais vous partager la chanson avec laquelle j'ai retrouvé en moi le plus d'affinité. Rien de moins qu'un monument de l'intelligentsia québécoise en matière de chansons. J'ai nommé Les Beaux Vagins. Pas du tout. Le principe moteur du texte se veut une allégorie. Rien de moins. Le message de paix qui en ressort peut se résumer ainsi. Il y a toujours quelque chose de bon chez une personne. Vous savez, cet éternel combat, le combat du cœur, quand vient le temps d'aimer l'être cher en faisant fi de ses petits défauts. Sans plus attendre, je vous fais la lecture du texte. Musique, l'autre tonne, par exemple. L'anus grand comme le Grand Canyon, mais tu devrais voir son camelto. Elle a les fesses d'un bobino bonobo. En plus, elle vote Justin Trudeau. Mais elle a un beau vagin. Un beau vagin. Un beau vagin qui se porte bien. Un beau vagin! Un beau vagin. Oui, ce n'est pas rien. Des mamelons comme des chars. Je ne te parle pas de son nez, arc. Un nombril que je me sers des fois. Elle est vraiment laide. En plus, elle est conne. C'est fou comme elle est laide. Mais elle a un beau vagin. Un beau vagin. Un beau vagin qui se porte bien. Un beau vagin. Oui, un beau vagin. J'ai entendu dire qu'ils en faisaient des faux comme des saints. Merci. Ah, c'est donc bien beau. Maintenant, j'aimerais vous faire écouter la version de Jean-Claude Vagin, l'original de Québec, directement de Québec. Qui a fait fureur au camping du lac Cristal. L'anus gros comme le Grand Canyon, mais tu devrais voir son camelto. Oh oh, elle a les fesses d'un bobino bonobo. En plus, elle vote Justin Trudeau, mais elle a un beau vagin. Un beau vagin. Un beau vagin qui se porte bien. Un beau vagin. un beau vagin. Un beau vagin, oui, c'est pas rien. Des mamelons comme des chars, je parle pas de son nez. Ah, un nombril que je me sers des fois, elle est vraiment laite. En plus, elle conne, c'est fou comme elle est. Mais là, un beau vagin. Modulation. Ça de ta mère. Oh, name dropping à la fin. Ça apprécie. C'est Jean-Claude. Le Québec est rempli de surprises. C'était vraiment. T'aurais dû mettre une finale avec des la-la-la, quelque chose. Hein? Jean-Claude Vagin aurait dû mettre une finale avec ouais, des c'est la-la-la. Jean-Claude. Ouais, non, non, je. Pourquoi m'accuser? Je parle à Jean-Claude au travers de toi. Comment ne pas voir dans ce texte un message d'espoir aux femmes devant les obstacles de la vie? Jean-Claude vous dit, soyez fiers. Levez la tête, vous servez à quelque chose. Ah, Laurent, non, non, va-t'en pas t'asseoir tout de suite, je veux parler un petit peu, moi. Non, parce que je pense que c'est important de dire aux gens, premièrement, je veux que tu reviennes, c'est sûr et certain. Et toi, t'es... Juste que tu confesses en avant tout le monde, là. Toi, t'es un docteur en musique. Si vous voulez aller étudier en musique, arrêtez immédiatement. J'ai un autre de mes chums qui est là-bas, un autre docteur en musique. On doit être à peu près 1% au monde à être cave de même. N'allez pas en musique, ça me coûte 250$ par mois pour rembourser mes prêts étudiants. C'est con la musique, man. Lâchez ça, man. Je vois des jeunes ici, des pets. Lâche ça tout de suite. Il y a tellement d'autres affaires intéressantes. Là. C'est con la musique, c'est gratis. Non, on n'étudie pas là-dedans. C'est comme un plan B. Je pense que la semaine prochaine, je vais te demander ce que tu penses des DJ. Merci beaucoup, Laurent. Ah oh, oui, Laurent Aglot. Aïe, aïe, aïe, aïe. Ah, mon c'est Dieu. Quand même assez grivois. Hein? Je m'attendais pas à ça. Ça... Ben, c'est québécois. Je... C'est vrai, c'est vrai. Un héros québécois, il y en a toutes les sortes. La Juanito là, qui faisait la petite grenouille tout au grabot. Voilà. André. Pourquoi qu'on connaît ça par cœur? Pourquoi qu'on André connaît guitare, c'est ça? Le notre père par cœur? Ces affaires-là. Hein? On devient brainwashé vite. Let's go next, on passe le dernier. Oh! J'ai assez hâte de scraper sa chronique à lui. Hey, quand on écoute cette chanson-là, c'est là qu'on se rend compte la force d'une mélodie, hein? Ah, vraiment, vraiment. C'est pas pour rien qu'à cette heure, tout le monde peut enculer les droits d'auteur de cette chanson-là. C'est parfait. Voilà. C'était mon éditorial. Moi aussi, j'en ai fait un peu de la musique, puis... J'étais en train de réinstaller ma carte de son hier. Cette semaine, Tommy, non, mais c'est passé décourageant. Ben, je comprends. Je voilà, tu sais, on se fait payer en bière, puis tout le monde fait hey, c'est bon ton truc, ça ressemble à Carquois. Va chier, man. Va chier. Okay. Bon, alors cette semaine, je me questionnais. Cette semaine, je me questionnais. D'un bord, il y avait un gros soleil décontracté, les Canadiens en série, petite bière sur la terrasse. Et de l'autre côté, il y avait les rues remplies de gens qui dénoncent la transformation de notre système capitaliste québécois. Voilà. Debout, dans ma cuisine, j'ai pensé à ça pendant 4 jours. Et je suis passé par 7 phases. Un, le choc. Ben voyons, les Canadiens vont pas mal. 2, le déni. Hein? Rien là. 0 en 2, c'est éclaté Tampa Bay en 5, facile. 3, la colère, le marchandage. Le problème, c'est les salaires des joueurs. Payer trop cher, ça n'a pas de cœur. T'échanges au moins 4 Pacioretty pour un Rocket aujourd'hui. Tu vois que t'es pas trop là, des fois. 4, la tristesse. Ouais, ben en tout cas, s'ils perdent, ça sera plus pareil à la taverne. 5, la résignation. Bah, je resterai chez nous plus souvent et je finirai Game of Thrones. 6, l'acceptation. En commençant à regarder mes pneus d'hiver, là. C'était beau, ça. Et finalement, 7, la reconstruction. Hein. J'ai déjà hâte au prochain repêchage. Et là, je... Merci. C'est un deuil. Et là, j'allais assumer ce deuil-là en m'ouvrant un sac de nachos. Quand mon fils arrive en courant, il me dit « Papa, t'es revenu? Papa, je pensais que t'étais pris dans un vortex à mouvement perpétuel, puis avec mes scientifiques, on essayait de te sortir de là. » Hey, je l'ai calmé. J'ai dit « Ben non, fiston, si j'avais été dans un vortex à mouvement perpétuel, il y aurait eu un bien plus haut taux de radiation bêta, puis la zone du splénique aurait tout été complètement irradiée par une immense lumière orangée d'environ 497 Hz. » Tu sais, je checkais ses notes. Je me disais, cet enfant l'écoute bien trop à TV, c'est n'importe quoi. Et là, je me mets à y expliquer. Tu sais, je dis, ben, tu sais, fiston, des fois, dans la vie. Et là, il me fait, ah, ok, t'étais pris dans une vision non binaire d'un problème binaire. J'ai dit, d'où tu sors ça? Il dit, les internets. Genre, en même temps, c'était facile. Là. Je veux dire, il n'y a pas un livre à la maison, il va pas à l'école. Où aurait-il appris quelque chose? Hein? Bon. Serait-ce sa puce? Ben, commence à faire défaut. C'est vrai, mon enfant, mon fils, 8 ans, pucé. Ouais, j'ai acheté ça aux États-Unis, moi, cette puce-là. Made in China. Voilà. Et en fait, je me demandais si c'est mauvais de m'intéresser plus au hockey qu'aux manifestations, en fait. J'avais ce questionnement-là. Parce qu'il y a quand même des gens hein, dans la rue qui, sur le fond, veulent la même chose que moi, c'est-à-dire que le trio hot dog poutine me coûte moins cher. Qu'il soit mangé à la banquise ou au Centre Bell, ça devrait pas faire de différence. Hein? Et pourtant, ça en fait une. C'est bien moins stressant de penser à la game. T'sais. Bien moins stressant. Et à ce moment-là, j'ai vécu ce que les spécialistes appelle un « rebirth ». Et je me suis mis à convulser là, frénétiquement en revivant, tenez-vous bien, 240 ans d'industrialisation. C'est poussiéreux. Ça fait mal. Énormément d'assassinats pour la bonne cause. Mensonges, trahisons, l'argent, le pouvoir. Je me disais, le deuil d'une saison de hockey, je veux bien, mais autant de destruction, t'sais. Puis-je vraiment en faire le deuil? Absolument. En 7 étapes. 1. Le choc. On a tout pété. 2. Le déni. Tu vas voir. Non, c'est pas vrai que tout est fini. Moi, je vais en faire du beau. Moi, je vais le changer le monde. 3. La colère, le marchandage. Asti d'acaba, marde, asti de chien de l'entreprise privée, va chier cadavre sale, mangez tout de l'asti de marde, ouais, recule, bouge! Ouais, ben c'est ça, là, c'est le matricule 1867, là, il s'est jeté sur moi quand j'exerçais mon droit de manifester comme pacifiquement, là. Oui, monsieur le juge, là, pour une raison inconnue. La tristesse, 4. Pourquoi le monde me comprend pas? On pourrait tellement mieux, mais personne veut comprendre. On se fait taper dessus puis donner des amendes. Je me sens tellement tout seul. 5. La résignation. Si rien change, moi je vais changer. J'ai plus 20 ans, ce serait temps que je me prenne en main. 6. L'acceptation. Finir mes études, me trouver une vraie job, aller cruiser. Et finalement, 7. La reconstruction. M'apercevoir que j'ai jamais voulu ça, arrêter mes études, puis me remettre à raconter des histoires à propos de pourquoi on tourne en rond. Papa, papa, au moins t'as-tu de l'espoir? Et là, j'étais ému. J'ai dit oui. Oui, oui, j'ai de l'espoir. J'ai espoir que toi, tu fasses mieux que moi. Et là, non, mais si tu fais boue, c'est un peu ton problème. Je l'ai fait, moi, mon deuil. Et là, mon fils m'a souri et il m'a dit, « En tout cas, papa, je pourrais pas faire pire que toi. » De sages paroles. Et là, on s'est pris dans nos bras, on a ri en pleurant pendant 4 jours, Tommy. Voilà. En terminant, dans le deuil, que reste-t-il? Bon, le souvenir. Et dans le souvenir, que reste-t-il? Des illusions, des constructions. L'amour, Tommy, l'amour. L'amour que l'on ressentait, que l'on ressent et que nous ressentirons dans le futur. Hein? C'est Simon Prêtre, hein, qui a dit ça. Ah ouais, excuse-le, il a arrêté de fumer, lui. J'évaluais le niveau, là, puis bon. L'amour, Tommy, l'amour. L'amour, hein, cette jeune écolière laissée pour morte dans cette ruelle sombre et sale que l'on nomme idéologie. Et... Voilà. Je le vois, ouais. Mais c'est possible d'unir les points de vue. Check-moi, hein. Donne-moi une bonne défense des revendications claires, puis c'est sûr qu'on va l'avoir la coupe, là. C'est définitif. Alors, ne manquez pas la semaine prochaine où je vous parle de la Trinité, un sujet lourd. Merci, Mathieu. Ah, ça, apprécié. Ça veut dire que il ne reste que les nouvelles de la fin, et c'est la fin de 70%. Je pense que tu peux y aller, Nick. Go. Guitare pour toi, Andy. Les dernières nouvelles dans ce 70% de début du mois de mai. On va y aller avec une nouvelle normale, puis après ça, on va s'amuser un peu ensemble. C'est bon, vas-y. On sort un petit peu du cadre. Mary Musselman, 81 ans, a initialement été en prison en janvier dernier après que des agents de la faune ont rapporté qu'elle avait violé sa probation en nourrissant des ours dans et près de son arrière-cour. Elles ont dit qu'elle avait été avertie de ne pas nourrir les animaux sauvages en novembre dernier, après que des agents de la faune ont dû euthanasier un ours qu'elle avait nourri. Parce que ça a l'air, si tu nourris un ours, il devient gentil, mais là, si tu le nourris plus, là, il est fou. OK. Ben, c'est comme ça. Fait que là, ils ont dit arrête de le nourrir, il a viré fou, ils l'ont euthanasié. Et voilà. Un juge avait donné une probation à l'époque et il a précisé faites-le à nouveau et vous allez en prison. À la madame de 81 ans. Ce qu'elle a refait a été arrêté en janvier et l'affaire a créé une polémique quand Musselman a été détenu sans caution. Ce qui veut dire que non, vous ne pouvez pas sortir, vous êtes dangereuse pour l'humanité. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est son avocat... comme un méchant dans Batman, là, ça serait The Bear Lady. The Bear Loving Lady. Ouais, genre. C'est ça. Son avocat, William Fletcher, a dit que des agents de la paix ont émis un nouveau mandat d'arrêt après avoir vérifié sa maison et son terrain, découvrant qu'elle laissait du pain sur le sol pour les corbeaux. Et ça s'est passé la semaine passée. Musselman a donc comparu en cour ce matin. Fletcher a dit qu'une évaluation médicale a conclu que Musselman souffrait de la maladie d'Alzheimer et de démence. Et il a demandé au juge qu'on la replace dans un autre logement. Comme à la maison de son frère dans l'Illinois. Elle nourrit des petits corbeaux. Ouais, ouais, ben mettre du pain sur la galerie, on sent le criminal mind. Ben, complètement, là. Surtout le non-repentir. Ouais, elle s'en fout. Je comprends, les ordonnances de la cour doivent être respectées, mais cette femme a des difficultés mentales, monsieur le juge, a-t-il dit. Le juge, cependant, a dit qu'il voulait une évaluation mentale plus complète et a ordonné que Musselman soit envoyé dans une installation sécurisée, ce qui veut dire une prison pour les intimes. C'est une madame de 81 ans. Vous t'écoutez au début. C'est une madame de 81 ans qui nourrissait les animaux sauvages et qui est devenue une menace pour l'humanité. C'est ça, je comprends. Ben oui. Les ours. Ça va d'un super-héros, Musselman. Ben là, c'est une super... Musselman, l'héros. C'est une question de perspective, moule. Je pense. Muscle, moule. Hey, les amis... J'ai dans les mains de la Régie des rentes du Québec les deux en 2014 les noms les plus weird qui ont été donnés par des enfants l'année passée. Oh, ça c'est le fun. Donc pour les garçons, Believe, Siema, Denzel Enrique, Eben-Ezer, pensez-y. Eben-Ezer. Godly Character. Godly Character. Ça, c'est un nom qu'un Québécois porte. Oui. OK. Gil. Givenchy. Les jumeaux Yago et Jafar. Et j'ai vérifié, hein. J'étais comme, OK, vous me niaisez. Non, c'est vraiment, si tu vas sur la régie, tu tapes ces noms-là, c'est là. Joémy, Joël Vino. Jules Legrand. Puis ça, c'est des prénoms. Fait qu'il y a un nom de famille qui suit. Jules Legrand, ouais. Puis il y a un nom de famille après. Ouais. Hunter Christopher. Celle-là, je l'aime, ce qui s'en vient. Lincoln Justice. Hey, man. Ça, c'est un prénom typiquement québécois. Fuck. C'est comme Max Power, genre. Ouais. Lord Evan. Logan Gretzky. Marcus Smiley. T'as j'aime bien. MC Cray. Donc MC-Cray. Ouais, ouais. Oliver. Princely Paul Roy. Paul Roy. Mm. OK. Rhythm. Just Rhythm. No, Rhythm. Rhythm. Rhythm is a dancer. Rhythm. Serge Basile. Sterling. Tommy Yves. Le prochain, je suis pas certain. Soit que c'est Y Rambo ou Y Rambo. Mais je pense que c'est Y Rambo, moi. Because. Because blood. Zachary, Tony, Bob. Et pour le dernier des garçons, Zinedine Zidane. Oh. Non. Typiquement québécois. Complètement. Pour les filles, Anne-Félix, Blessing, Ciara Katniss. T'as catché. Dominique Sky. Elisabeth, mais avec un H-E-L. Donc, Hell Elisabeth. Ouais, ouais. Comme la porn star. Là. Ireland. Khaleesi et Daenerys et Khaleesi. Crystal Melody. Crystal avec un K. Évidemment. Laetitia Xaviere, Liberty Joy, Leilou et Leilou, donc L-E-I-L-O-U puis L-E-Y-L-O-O. Ouais, ouais. Laetitia, mais avec deux T-Y. Oh. Lotus, Louise ou Lviz, Lviz. Orly, oui, O-R-L-Y, Orly. Peace, River Lee, Sirius, Storm, Versailles, Viennati, comme le thé là, de Vienne, Isaris du ciel. Tabarnak. Isaris Y-S-A-R-I-S-D-U-T-R-I-L. Elf-prêtresse niveau 3. Puis on n'a pas son nom de famille, fait qu'elle a peut-être un double nom de famille. Charbonneau du Quête. Gottlieb ouais. du Charme. Et pour finir, Zia Lila. Quand même pas pire, ça. C'est genre, Zia Lila, c'est une belle collection, ça, après ça. Lila. Ça, ça me fait penser, d'ailleurs, quand t'appelles ta fille, mettons, Kim avec un Y, ben, t'es en train de dire à ta fille qu'à toutes les fois qu'elle va se présenter, elle va dire « Je m'appelle Kim avec un Y ». Cette personne-là ne s'appelle pas Kim. Elle s'appelle Kim, trait d'union, avec, trait d'union, un, trait d'union, Y. Parce que, Chris, pourquoi tu fais ça? Il y en a, ils appellent leurs enfants, genre « Catherine avec un K, un Y, pas de H, puis deux R ». Voyons, asti, c'est parce que... On le dit, le prénom, fait que toute ton originalité de lettres qui valent cher au Scrabble, ça paraît à personne, tu sais. Il y a juste toi, quand tu l'écris sur le baptistère, que tu peux te trouver original. Mais sinon, c'est Catherine, peu importe comment tu mets de Y ou de H non, dedans. Non, mais attends, Tommy. C'est la même chose. Attends, parce que les filles qui ont le même nom comme ça, moi, je me rappelle, j'étais avec une Louise qui avait un Y. Oh shit, fait que ouais, même, okay. Ça va plus loin que quand tu dis c'est quoi ton nom, c'est Louise avec un Y. Ben même ouais. Quand tu dis les filles que t'as fourri, moi je fourrais une Louise qui avait un Y. C'est ça. Ça qui avait un beau vagin. Et voilà. Moi, je me demande s'il y a du monde dans les années 80 qui se sont fait appeler K2000 ou Kit. Ah, sûrement. Kit, sûrement. Ben oui, oui. Kit, sûrement, oui. Kit, Kit. Ben, écoute. Ben oui, attends un peu. L'acteur qui fait on le trouvera Game jamais. Game of Thrones, Kit Haring. Bon, voilà, c'est fait. Là-dessus, je pense qu'on est rendu au bout de 70%. Allez pas trop loin, parce que moi, je fais des remerciements et les amis de You and I vont pouvoir aller se préparer. On a notre VJ qui va mettre quelques clips pour pas que hein, ça soit trop presqué ni brusqué. Vous pouvez aller vous préparer, les gars. Ludovic, Jean-Simon, Nicolas, merci beaucoup d'être avec nous. Laurent, t'as fait de la bonne job en s'apprécier et représenter la bande. Peut-être tu peux nous plugger. Comment qu'on fait pour vous suivre là? C'est via Facebook. Via Facebook, You and I. Sur le site aussi, You and I Official. Official. You and I Official. Ouais, You and I Official. Twitter, You and I Music. Très facile, YouTube aussi, le vidéoclip Hopes, le single Hopes. Et voilà. D'ailleurs, on va commencer le set du VJ en mettant le clip qu'on est allé chercher sur les internets. Sinon, à ce moment-ci du show, c'est de bon ton de remercier Andy. Merci beaucoup, Andy. Merci à Laurent. Merci à Maxime. Merci à Élise, à Fred, à Mathieu, à Jean-Sébastien. Et un merci tout particulier à Nicolas qui est en arrière de la console. Ce qui fait qu'à partir de maintenant, donnez-nous un petit bout de temps. On va baisser l'écran pour écouter des clips, laisser les gars de You and I s'installer pour être confortables. On m'a dit qu'on était pour avoir 3 ou 4 tounes. Ça va dépendre de comment vous êtes gentils. Merci tout le monde. À tout de suite. There's too many dicks on the dance floor. Too many dicks on the dance floor. Too many dicks on the dance floor. Too many dicks. Too many dicks on the dance floor. Too many dicks. Too many dicks. Going to the party, sipping on Bacardi. Wanna meet a hottie, but there's Adam, Steve, and Marty. There's Billy, Tad, and Tommy. They're on the from the army. The only booze I'll see tonight will be made up on Bacardi. Tell the fellas, make it understood. It ain't no good if there's too much wood. Make sure you know before you go. The dance floor Rojo ratio 5-1, it's a rodeo. Tell Steve and Mike, it's time to go. Wait outside all night to find 20 dudes in a conga line. Too many dicks on the dance floor. Easy to fix. Too many dicks on the dance floor. Spread out the dicks. Too many dudes with too many dicks. Too close to my shit. Too hard to meet chicks. I need better odds, more broads, less rods. I came to do battle. Skedaddle with the counter rods. Too many men, too many boys, too many misters. Not enough sisters. Too much time on too many hands. Not enough ladies, too many mans. Now sing this song. सुन ये मिला के 2 करोड़ हो गए एक एक वोटर को 1,000 और हमारे कैंडिडेट के जीतने के बाद 2,000 और माधवपुर काबली और सीमानपुरी के सरपंच से बात हो गई है वो लोग अपने साथ हैं ये संजय तू लेके निकल जा पैसे पर एक बात ध्यान से इलेक्शन कमीशन से बच के सावधानी हटी दुर्घटना घटी Close the yoga. Never before in the history of motion pictures has there been a screen presence so commanding, so powerful, so deadly. He's Conan the Librarian. Can you tell me where I can find a book on astronomy? Don't you know the Dewey Decimal System? Conan the Librarian. I'm sorry. These books are a little overdue. Conan the Librarian. Tonight, only on U62. तुम लोगों को क्या लगा रिजाइन किया मैंने? तुम लोगों को क्या लगा कि डर गया मैं? अल्ताफ, शेर आतंक मचाता है और जख्मी शेर तबाही। तुम लोगों की धज्जियां उड़ाने भेजा है मुझे, तुम लोगों को नंगा करने भेजा है मुझे। अब तक रुका था सिर्फ सबूत के लिए, जो आज मुझे मिल गया। प्रकाश राव और बाबा की कुंडली मेरी मुट्ठी में, और जब ये मुट्ठी खुलेगी और ये शेर का पंजा बनेगा तो सामने वाले की गर्दन को दबोच लेगा। मी बाजीराव सिंगम मराठा है मराठा, आता तुमची खैर नहीं, सीधी बात, सबकी उल्टी गिनती चालू। अतः माझी सटकली। Ça va bien tout le monde? Yeah! Yeah! Fait que comme Tommy expliqué, on est You and I, puis on peut nous trouver effectivement sur tous les genres de réseaux. Pas réseau contact, là, mais réseaux, là, tous les autres. Les réseaux sociaux. Fait qu'on va commencer par Hopes. On a parlé un peu tantôt, là, notre single, qu'on a fait un petit clip, petite version acoustique. Are you ready? Let's go! When fate is getting old, I wonder now and then when I'll get to the end. I'm tired to pretend. When truth remains untold, I keep waiting for a sign to get back what is mine. You know, into each life some rain must fall, but in the pain there is no wall. Between each line you'll find a call. So here I am and standing tall, no matter if I'm falling, I'm not hopeless at all. Tomorrow I'll be gone, through the nights I'll move on. I won't let go this part of me. I wish for all I know everything was meant to be. Today I will be on hand, and I'm setting hopes on this chance. Some dreams are left undone, and words are left to blame. Then you know things should be changed. Cause I'll reach the stars, come rain or shine. Heal the scars and make them fine. I've been misled, but I'm still feeling alive. So here I am and standing tall, no matter if I'm falling, I'm not hopeless at all. Tomorrow I'll be gone, through the nights I'm not hopeless at all. Tomorrow I'll be gone. Through the nights I'll move on. Un autre? Alright, un autre. Un autre compo dans ce cas-là. Fait que, let's go. Attends, je vais prendre une petite gorgée d'eau. C'est correct? C'est correct? You say I'm always away. You wonder where to stay. Do you really trust me at all? You wait for a call, but now you wanna know somehow when I'll get back to you. But I really don't know what to do. I'm trying to get through, but I can't even find. Do I belong? So it's hard for me to choose between right and wrong. And please, if you give me time just to sing you a song, I could show you how I feel when your arms are gone. So please, don't move on. If you remember me and you, we used to be so true. We're hanging out late at night, a story to write. But now you try to understand a passion with no end. But even if you walk back to me, I'm too blind to see. But I can't even find where do I belong. So it's hard for me to choose between right. Merci. Un autre, on a-tu le temps? Ça vous tente-tu? Come on, ça vous tente-tu? OK, d'abord. OK, c'est beau. Ah, un petit classique. Il y en a-t-il qui connaissent ça, Don't Stop Believing? Ça vous tente? Ouais, non? Ouais? On va juste trouver mes paroles. Just a small town girl living in a lonely world. He took the midnight train going anywhere. Just a city boy, a sound on the South Detroit. He took the midnight train. Hey, c'est you and I, s'il vous plaît, donnez-en encore un peu, là. Go, go, go! On vient d'avoir 3 tunes live, ça vous a rien coûté! On peut essayer, ça vous tente ça encore? Promis, après ça, là. On est capable d'en prendre. On est capable. 17 hours, picking me a book, kept a doubtful flower, and hoping for Riley, I can see my baby tonight. Oh, rock me, mama, like the wagon wind. Rock me, mama, any way you can. Yeah, yeah, yeah. Oh, rock me. Rock me, mama, like the man in the rain. Rock me, mama, like the southbound train. Hey, hey, yeah, mama, rock me. I made it down the coast, 17 hours, picking me a book, I'm a job of flower, and I'm hoping for Riley, I can see my baby tonight. Oh, North Country, toute beauté. Merci. C'était You and I, tout le monde. Merci beaucoup. Ludovic, Jean-Simon, Laurent, Nicolas, s'il vous plaît. Oui! Ah, moi, je vous souhaite d'avoir autant de plaisir à jouer ensemble pour le reste de que ça va vous tenter de jouer ensemble. C'était de toute beauté. Merci beaucoup. Merci à Chinook, oui. Là-dessus, en fait, notre soirée de vidéoclip de visionnement va commencer. Ça va être VJ Stéphane P qui va venir prendre les commandes. On commence, en fait, phase de transition, le laisser le temps de ramasser les choses et tout. On va écouter le vidéoclip de You and I sur Hopes, la première chanson qu'ils nous ont joué là. Mon nom est Tommy et merci beaucoup. À lundi prochain. Merci, ouais.